France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1980, la Communauté des radios publiques de langue française proposait une série de 10 émissions consacrées à quelques-unes des matières premières qui ont pesé sur le cours de l'histoire des hommes. Certaines ont assuré leur survie. Quand elles ne les ont pas rendues fous, elles ont motivé des conquêtes, ouvert des routes terrestres, maritimes, des marchés planétaires, contribué à la prospérité de beaucoup et à l'asservissement de beaucoup d'autres encore. Après l'or, le blé et le bois, c'était à l'or blanc, au coton, que s'intéressait le 4e épisode de la série. Avec le coton, c'était un grand chapitre de la révolution industrielle en Angleterre qui nous était rappelé là, avec l'essor, loin des Indes et des Antilles, de l'industrie cotonnière dans le Lancashire. C'était aussi en France, à la fin des années 70, la chute de l'empire Boussac, dont on entendait les ouvriers qu'elle laissait sur le carreau dire leur inquiétude pour la suite de leur existence et celle de leurs enfants. Communauté des radios publiques de langue française, l'épopée des matières premières, 4e des 10 épisodes, Le Coton, une émission diffusée la première fois, le 21 août 1980, sur France Culture. Communauté radiophonique des programmes de langue française. L'épopée des matières premières, Le Coton. Une émission de Michel Pierre, Daniel Wolfram, Olivia Zemmour. Groupe de réalisation, Janine Antoine, Michel Cohen, Michel Créis. Il était une fois un arbre qui produit des fibres blanches, plus fines que les laines les plus chères, des duvets soyeux et longs. On doit le soigner comme un nourrisson. Il lui faut de la cendre de bois comme engrais, et il a besoin d'autant d'eau qu'une plante de marais. Il faut constamment s'en occuper. La cueillette dure plus d'un trimestre, car les capsules contenant les graines et les duvets mûrissent lentement, l'une après l'autre. Le soleil est ardent, il n'y a pas d'ombre. Les filaments argentés volent dans la bouche, le nez, les yeux. Si la préparation du terrain, les labours et les sarclages ne diffèrent pas de ceux que réclament le maïs ou la pomme de terre, par contre la cueillette et l'égrenage exigent un personnel nombreux. Un hectare de cotonnier planté à la distance de 1 mètre sur 50 cm contient 20 000 plants, dont chacun porte au minimum une cinquantaine de capsules. Il y a donc lieu de cueillir 1 million de capsules, une par une, avec le plus grand soin, pour éviter que des éclats de l'écale ou des morceaux de feuilles soient mélangés à la fibre. L'or blanc. Je vais le voir, maman, ça fait indiquer. Et qui suis en haut, ça tombe bien. Calicot, renforcé, longone, cretonne, percale, popeline, croisée finette, croisée sec, tennis et flanelle, veloutine, sergé. Entre 2 mètres et 2 mètres 50, ça dépend le modèle. Oui. Si vous faites français tout, 2 mètres 50. Voilà. Non, pas français. Alors 2 mètres alors. Bon, bah donnez-moi 2 mètres alors. Oui, madame, voilà 2 mètres. Et avec le sourire, madame. C'est un loup. Vichy, Zéphyr, Oxford, tissé carreau, piqué, reps léger, tissu façonné, cingalette, organdi, tarlatane, crêpe, voile, mousseline, étamine, mouchoir. 4,50 m. Il faut quoi? Un rideau. Toile nationale. Tissu espadrille. Velours côtelé. Velours uni. Côte de cheval. Tout petit pantalon. Tissu ameublement. Tissu matelas. Molleton, couverture, tissu filtrant, banne, tissu bâche, tissu courroie, bassin, tissu coloniaux, tissu de Nîmes. De la rouflette. Oh, mettez-moi 6. Il s'agit d'un tissu de coton extrêmement lourd, la plupart du temps fait avec des fils qui sont eux-mêmes des gros fils. Et on pense à des laits de Nîmes. Normalement, les tissus de Nîmes sont de l'ordre de 300 grammes à peu Monsieur près Chêne, au mètre carré. Vice-président du syndicat national du coton. Une des thèses avancées, c'est que ce sont les Français qui ont inventé le tissu de jean, enfin ce qu'on appelle le de Nîmes, et c'était effectivement un tissu qui venait de Nîmes. Et ce tissu était fait avec des fils de chêne qui étaient teints et des fils de trame qui ne l'étaient pas. Et avec de l'indigo, très important. Et puis ces tissus ont été vendus aux États-Unis vers les années 1850 et ont servi, paraît-il, aux pionniers des États-Unis dans la recherche de l'or, etc. Et c'est devenu un petit peu un symbole national de l'Amérique naissante. Jersey moite. Gabrielle présente ravissante manteau cabine pour le bain. La mode. La mode. La mode. Alors il y a eu la fameuse mode du denim, un espèce d'envolement, un engouement, aussi bien dans les hommes que les femmes, tout le monde s'était mis à porter du tissu denim, notamment en pantalon, mais même quelquefois avec en faisant des blousons. Tout le monde a fait du denim. On a fait du denim en France, on a fait bien entendu les États-Unis ont continué à faire du denim. L'Extrême-Orient, Hong Kong, Singapour, Macao, tout le monde faisait du denim. L'Afrique faisait du denim, la Tunisie aussi. Et il y a eu alors, à ce moment-là, une sorte de fuite en avant et tout ce que l'on pouvait produire était aussitôt absorbé par le consommateur. Que représente l'ampleur du phénomène jean à l'heure actuelle dans le monde? Elle est colossale parce que on produit chaque année dans le monde environ 720 millions de jeans, ce qui représente près de 1 jean pour 5 habitants de la planète. Et il se produit environ 1 jean pour un pantalon d'une autre qualité dans le monde. Le jean occupe 50% environ du marché mondial du pantalon. Alors, ici, nous nous trouvons dans la salle appelée la salle des pré-mélanges. Les balles de coton qui ont été stockées au magasin de balles sont amenées ici tous les jours et placées sur des placés pour faciliter le transport. Pour faciliter le transport de la matière, la fibre de coton a été pressée pour fabriquer une balle qui pèse environ de 250 kg chaque. Et puis il y a eu ce qu'on a trop exagérément parlé de la chute du denim. En fait, il n'y a pas eu chute. Il y a eu stabilisation. Seulement, comme on avait toujours anticipé, une augmentation de la consommation qui situait en volume de l'ordre de 15 à 20% par an, eh bien une stabilisation a été ressentie comme une crise dans le denim, si bien que tous les gros fils que l'on pouvait produire, tous les tissus très lourds que l'on pouvait produire, ont connu, enfin tous ces tissages, toutes ces filatures ont connu des moments très pénibles. 5 ans d'ancienneté, 6 enfants. J'étais employé et j'étais licencié comme les copains. J'ai reçu ma lettre comme les copains au 15 septembre. Et autrement, les perspectives actuellement, disons qu'elles sont nulles, quoi. Et je dis elles sont nulles pour des hommes, elles sont encore plus nulles pour des femmes actuellement. Les ouvriers licenciés des usines Boussac dans les Vosges. 15 ans d'ancienneté, mais j'ai pas d'enfant en charge. J'ai été convoquée chez Iscora, mais ça n'a pas marché. Les industriels, c'est pas une nouveauté. Les industriels textiles français préfèrent maintenant investir dans des pays du tiers-monde ou même du quart-monde, et puis délaisser l'industrie textile française, parce que c'est plus rentable pour eux dans ces pays-là. Et puis, je pense que le gouvernement également veut la mort du textile en France. Ce que nous, on combat au sein des organisations syndicales, quoi, en disant que le textile est nécessaire dans un pays, et qu'on ne veut pas, voir... ce qui arrive actuellement à la sidérurgie, se produire dans le textile, quoi. Est-ce que vous allez garder votre logement maintenant que vous êtes licencié? Il n'y a rien qui le dit. Vous, madame, vous étiez bobineuse, vous avez perdu votre emploi. Qu'est-ce que vous allez devenir maintenant? Pour le moment, chômeuse. Et vous, madame? C'est pareil, moi, ça fait 23 heures que je travaille. Je suis licenciée aussi. Faut que j'attends. Il n'y a rien d'autre. Rien du tout, ici. Des tissages vosgiens, qu'on avait beaucoup dans le temps, beaucoup ont fermé leurs portes. Ils font venir le tissu de là-bas, du tiers-monde, il vient directement dans les usines ici. Il faut tisser ici, le filer, et simplement après le transformer. Hein. Ça leur coûte quand même moins cher. Moi j'ai 32 ans de service dans la maison, j'ai 59 ans. J'étais vérificateur. Bon, je pense pas retrouver du travail à mon âge, hein. Pour l'instant, j'ai 90% de mon salaire. Dans un an, j'aurai 70% seulement. Eh bien, j'ai 39 ans de service. J'ai démarré comme apprenti mécanicien pour terminer chef d'entretien et puis me faire licencier à 39 ans de service. À 53 ans. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je sais pas. Je cherche. Vous avez des enfants, madame? Oui, madame. Deux. Quel âge ont-ils? 6 ans, puis 12 ans. Est-ce que vous envisagez qu'ils travaillent dans le textile plus tard? Oh non, alors, on a compris. Hein. Quand nos enfants seront à l'âge de travailler, il n'y aura plus de beau sac si ça continue comme ça, parce que il n'y aura plus de textile non plus. Hein. La disparition d'entreprises n'est pas un phénomène propre à l'industrie textile. C'est un phénomène propre à toute industrie, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des spécialistes la démographie industrielle. Il est certain qu'à toute époque, dans un secteur industriel, même sans parler d'une branche, dans un secteur industriel, il y a des entreprises qui meurent, des entreprises qui survivent et qui se développent. Monsieur Noblot, il y a un deuxième mouvement qui est beaucoup moins naturel et qui est celui que nous constatons depuis surtout 1974. Et la crise, en fait, générale de l'économie, pourquoi? Imaginez que le taux de croissance de l'économie a diminué de moitié environ depuis la crise du pétrole. Et en France, comme dans tous les pays industrialisés, la consommation des ménages en textile et en habillement, d'un rythme d'environ 3 ou 4% entre 1970 et 1974, est passée à un rythme d'environ 0,5 à peine 1% par an. Parce que les gens continuent à acheter des automobiles, ils en ont besoin, c'est quelque chose qui est passé dans les mœurs, les gens partent en vacances, les gens achètent des chaînes ou de fidélité. Donc je crois que le premier phénomène, c'est la contraction du marché du textile et de l'habillement dans tous les pays industrialisés du fait de la crise. À cette contraction s'est conjugué un afflux massif d'importations, aussi bien en provenance des pays de nos partenaires de la communauté ou des pays de ce qu'on appelle l'OCDE, les pays industrialisés, que des pays dits en voie de développement, des pays à commerce d'État. Et donc l'industrie textile en France, mais dans la communauté d'une façon générale et dans tous les pays industrialisés, a dû lutter et se reconvertir dans une situation où le marché se portait moins bien et où en même temps ils avaient à lutter contre une croissance très forte des importations. Et est-ce que cette reconversion, disons, a été aussi douloureuse dans les autres pays de la communauté européenne, par exemple, qu'en France ? Il n'y a guère d'industrie textile dans la communauté qui ait échappé à cette situation. Peut-être avec, dans une certaine mesure, l'industrie textile italienne. Mais vous savez qu'en Italie, il y a environ 1,5 million à 1,6 million de personnes employées dans l'industrie qui travaillent, comme l'on dit, au noir. Alors je ne pense pas que ce soit une situation qui soit facilement transposable dans un pays comme la France, étant donné ses structures sociales et politiques. Mais en Belgique, l'État belge vient de décider au mois de septembre l'instauration d'une sorte de plan de sauvetage de l'industrie textile belge, analogue à celui de l'industrie sidérurgique belge. En Allemagne, la situation est un peu différente, en ce sens que ce n'est pas l'État, le gouvernement allemand qui décide, mais ce sont les Länder, parce qu'ils ont une décentralisation administrative très forte au niveau régional. L'Angleterre a connu exactement la même situation que nous. Je trouve que c'est un phénomène général. C'était une fois un arbre qui produit des fibres blanches, plus fines que les laines les plus chères, des duvets soyeux et longs. C'est une espèce d'arbuste, mais il pousse dans 4 ou 5 mois. Le coton, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Mais le coton, c'est la fibre qui entoure le fruit de l'arbuste. Enfin, on l'appelle coton graine parce que, enfin, la fibre de coton entoure la graine. On peut la presser pour une huile alimentaire qui est très saine et qu'on utilise beaucoup en Extrême-Orient. Et puis, il y a le linter qui est une feuille qui entoure la graine et qu'il faut séparer des fibres et qu'on utilise pour le papier. Tandis que la fibre qu'il faut nettoyer. Puis après, on peut la classer, on peut l'utiliser pour le textile. Des fouilles en Mésopotamie, surtout dans les environs de Mossoul, l'ancienne Ninive, prouvent que très tôt, 2000 ans peut-être avant Jésus-Christ, on connaissait l'existence du coton et un document des temps de Nabucodonosor l'appelle l'or blanc. Hérodote croit que le coton est originaire des Indes et qu'il poussait là depuis toujours. Des champs de coton sont mentionnés en Perse et plus tard en Mésopotamie. Les premières cotonnades connues datent de 1100 avant Jésus-Christ et proviennent des Indes. Un document récemment trouvé parle d'une reine asiatique qui accumula les taxes de 2 ans et 3 mois pour payer une seule grande robe de coton et d'or provenant de Babylone. Un expert du coton de la FAO. En général, la cueillette traditionnelle se fait à la main et le coton a besoin de beaucoup de main-d'œuvre, non seulement pour la cueillette, mais aussi pour les soins du moment où on la plante jusqu'à la cueillette, parce que il faut le défendre contre le froid, il faut le défendre contre les insectes, contre d'autres parasites. Et ça se fait presque tout à la main. Pas dans certaines parties des États-Unis et de l'Amérique latine, où on utilise même les hélicoptères pour les antiparasitaires. Et dans certaines parties du monde, évidemment, la cueillette se fait complètement mécaniquement, par exemple dans l'URSS. Mais les pays en développement qui n'ont pas les capitaux nécessaires, évidemment, doivent utiliser la main-d'œuvre locale à tous les stades de la production. En 1280, les marchands de Venise envoient Marco Polo en voyage pour étudier l'industrie du coton à fond. Marco Polo organise le commerce des cotonnades en grand. Mais il a beaucoup de peine à disperser les légendes superstitieuses qui nuisent au commerce. Les étoffes de l'Inde, les mousselines et les tissus chinois sont si fins qu'on les prend pour des œuvres de diable. et Jean de Mandeville au XIVe siècle racontent les choses les plus invraisemblables pour expliquer l'étrange beauté des cotonnades. D'après lui, le coton est un petit animal qui habite les cotonniers, qui se nourrit d'herbes, se promène dans les prés pendant la nuit, a un goût très agréable quand on le rôtit, mais qui reste quand même une incarnation du diable. Diable ou non, le coton fait la richesse de Gênes et de Venise. Puis c'est Cortés qui rapporte des cotonnades du Mexique, des étoffes curieuses que Montezuma lui a données. D'autres reviennent avec des tissus sud-américains, presque aussi fins que les étoffes assyriennes ou chinoises. Les plus grands pays c'est la Chine, producteurs, c'est la Chine et l'URSS aujourd'hui. Les États-Unis sont devenus le producteur résiduel, celui qui produit quand les autres pays ont déjà exporté. La production des cotonnades a beaucoup diminué en Amérique aussi. Ils importent les produits finis, de l'Extrême-Orient en général, et aussi du Brésil. Pendant tout le Moyen-Âge, il y a partout sur le globe des cultures de lin et partout des moutons. Chacun fabrique dans sa propre maison tous les tissus nécessaires. Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, s'habiller de coton constitue un crime en Angleterre. Une pénalité de 5 livres frappe le tisserand, une amende de 20 livres sterling le marchand de cotonnade. Couvrir un cadavre d'autres tissus que de lainage est défendu. Inhumer quelqu'un dans du coton coûte 10 livres d'amende. En 1734, un magazine anglais, le Gentleman's Monthly Intelligencer, décrit une décapitation et ajoute que les tisserands de laine ont habillé le criminel et le bourreau de cotonnade pour montrer combien terrible il est de porter ces produits du diable. Et le criminel, avant de mourir, parle au peuple curieux, déclare qu'il a commis ces crimes uniquement à cause de la crise dans la filature des laines qui l'empêchait de gagner son pain. Il prie de ne pas ruiner cette vieille industrie, de ne pas porter de cotonnade. Le marché de coton est très organisé et on vend par description, pas par inspection, comme par exemple pour la laine où il faut regarder chaque balle pour voir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que vous appelez un marché par description ? Le coton est classé très exactement ou par le producteur ou bien par l'intermédiaire. Et il y a beaucoup de classes sous classes différentes qui ont chacun une description. Et si vous achetez par exemple 100 balles de SM, un huitième de pouce, vous savez ce que vous aurez. C'est quoi si SM c'est du strict middling, c'est-à-dire c'est plutôt mieux que la moyenne. Et un huitième de pouce, c'est la longueur de la fibre. La qualité du coton dépend de quelles caractéristiques ? Il y a beaucoup, beaucoup de qualités. Et on ne peut pas dire un coton meilleur, parce que pour certains usages, un coton qui peut être très, très court et très gros peut convenir mieux qu'un coton égyptien qui est très cher et qui est très long et très fin. L'Atlantique devient le centre de l'activité économique. L'ère de la colonisation d'outre-mer commence. L'Angleterre devient puissante. Elle le devient grâce au butin formidable, grâce au trésor d'or que Sir Francis Drake rapporte à son retour en Angleterre en 1580. La reine Elizabeth utilise sa part de butin pour équilibrer le budget, pour payer les dettes nationales, et ce qui reste, environ l'équivalent de 5 millions de francs, pour fonder la Compagnie du Levant. Avec les profits de cette firme, on fonde l'East India Company, on fonde l'Empire britannique. Les cotonnades affluent, les étoffes fines et merveilleusement teintes abondent. Du coton brut vient en Angleterre. Puis, en 1685, 600 000 artisans quittent la France à cause de la révocation de l'édit de Nantes et 70 000 des meilleurs tisserands français s'installent en Angleterre. C'est l'Angleterre qui a déclenché la révolution industrielle que l'on peut considérer comme un des principaux événements de l'histoire aux conséquences incalculables. C'est avec Arkwright, l'inventeur de la Mule Jenny, pour filer le coton. Arkwright, dont les usines de Cromford et de Manchester sont les premières grandes entreprises mécanisées du monde, que commence l'ère de la machine, tout le bien et tout le mal de notre temps. De 1788 à 1803, on assiste à un développement littéralement frénétique de l'industrie cotonnière. On ne prend même plus la peine de construire des usines. On s'installe dans des granges, des locaux abandonnés, dans tout ce qui permet d'abriter quelques machines. En 1760, on comptait 40 000 personnes employées dans les manufactures de coton. En 1835, on en compte 1 500 000, soit 37 fois plus. Mais pourquoi est-ce dans le Lancashire que l'industrie cotonnière s'est développée ? Bien, parce que si le Lancashire a pu exercer pendant un siècle une véritable hégémonie sur le marché du coton, il le doit non seulement au fait qu'il fut à l'avant-garde de la révolution industrielle, grâce à ses inventeurs, mais d'abord il faut bien voir que Manchester, qui se trouve au centre du Lancashire, constituait une exception par rapport au reste des villes de l'Angleterre en ce qui concernait l'industrie et le commerce. Manchester est la grande ville manufacturière des tissus, fils, coton. Circonstances favorables, à 10 lieues du plus grand port de l'Angleterre, lequel est le port de l'Europe le mieux placé pour recevoir sûrement et en peu de temps les matières premières d'Amérique. À côté, les plus grandes mines de charbon de terre pour faire marcher à bas prix ces machines. À 25 lieues, le lieu du monde où se fabriquent le mieux ces machines. 3 canaux et un chemin de fer pour transporter rapidement et économiquement dans toute l'Angleterre et sur tous les points du globe ces produits. Au sommet des collines s'élèvent 30 ou 40 manufactures. Leurs 6 étages montent dans les airs. Leur immense enceinte annonce au loin la centralisation de l'industrie. Autour d'elles ont été semées, comme à volonté, les chétives habitations du pauvre. Entre elles s'étendent des terrains incultes, qui n'ont plus les charmes de la nature champêtre, sans présenter encore les agréments de la ville. Ce sont les landes de l'industrie. Alexis de Tocqueville. Contrairement aux autres centres britanniques, Manchester ne connaissait pas le système des corporations, et plus précisément celui de la corporation des tisserands, qui s'opposèrent farouchement à l'introduction du coton. Une deuxième raison, le Lancashire, tout en jouissant d'un régime tout à fait libéral, bénéficiait en même temps des lois votées par le Parlement britannique qui interdisaient les importations en provenance des Indes. Enfin, l'une des causes essentielles du triomphe de l'industrie britannique fut la spécialisation adoptée dès le début. Les filatures étaient nettement séparées des tissages. Cette structure est encore aujourd'hui celle de l'industrie cotonnière britannique. Premièrement, les portes de l'usine seront fermées 10 minutes après le début du travail et personne n'aura le droit d'y pénétrer avant l'heure du petit déjeuner. Quiconque est absent durant ce laps de temps aura 3 pence d'amende par métier à tisser. Deuxièmement, tout tisserand mécanique dont on a constaté l'absence à n'importe quel moment où fonctionne la machine sera frappé d'une amende de 3 pence par heure et par métier qu'il a à surveiller. Le travail aux machines consiste principalement, aussi bien dans le filage que dans le tissage, à rattacher les fils qui cassent, puisque la machine fait tout le reste. Ce travail n'exige aucune force physique, mais des doigts agiles. Donc non seulement les hommes n'y sont pas indispensables, mais en outre, le plus grand développement des muscles et des os de leurs mains les rend moins aptes à ce travail que des femmes et des enfants. Le rapport de la Commission centrale constate que les fabricants se mirent à employer des enfants rarement de 5 ans, fréquemment de 6 ans, très souvent de 7 ans et le plus souvent de 8 ou 9 ans, que la durée du travail atteint souvent de 14 à 16 heures par jour, non compris les heures pour les repas, et que les industriels toléraient que les surveillants frappent et maltraitent les enfants et qu'eux-mêmes souvent agissaient d'eux-mêmes. On rapporte même le cas d'un industriel écossais qui poursuivit à cheval un ouvrier de 16 ans qui s'était enfui, le ramena en le forçant à courir devant lui à l'allure de son cheval au trot et en le frappant continuellement à tour de bras avec un long fouet. Troisièmement, les tisserands qui n'ont pas de ciseaux sur eux auront une amende de 1 penny par jour. Quatrièmement, toute navette, brosse, burette, roue, fenêtre détériorée devrait être payée par le tisserand. Je crois que la plupart des étrangers sont frappés par la petite taille, l'aspect chétif et la pâleur de la majorité des gens que l'on voit à Manchester et surtout des ouvriers d'usine. Je n'ai jamais vu de ville en Grande-Bretagne ou en Europe où le décalage par rapport à la normale de l'ensemble de la nation soit aussi net en ce qui concerne la taille et le teint. À Manchester, on peut voir, en dehors de nombreux estropiés, un grand nombre de mutilés. L'un a perdu le bras ou l'avant-bras, l'autre un pied, un autre encore la moitié de la jambe. On croirait vivre au milieu d'une armée qui revient de campagne. Les parties les plus dangereuses des installations sont les courroies qui transmettent l'énergie de l'axe aux différentes machines, surtout quand elles ont des boucles, ce qui est, il est vrai, de plus en plus rare. Quiconque est happé par ces courroies est entraîné par la force motrice avec la rapidité de l'éclair. Son corps est précipité contre le plafond, puis contre le plancher avec une telle violence qu'il lui reste rarement un os intact et que la mort est instantanée. Le fait que les ouvrières d'usine accouchent plus difficilement que les autres femmes est attesté par plusieurs sages-femmes et accoucheurs. De même, le fait qu'elles avortent plus fréquemment. Faut ajouter que les femmes souffrent de la faiblesse commune à l'ensemble des ouvriers d'usine et qu'enceintes, elles travaillent à l'usine jusqu'à l'heure de l'accouchement. Évidemment, si elles cessent le travail trop tôt, elles peuvent craindre de se voir remplacées et d'être mises à la porte. Et de plus, elles perdent leur salaire. Cinquièmement, aucun tisserand n'a le droit de quitter définitivement son poste sans un préavis d'au moins une semaine. L'industriel peut, sans préavis, congédier tout ouvrier pour mauvais travail ou conduite incorrecte. Sixièmement, tout ouvrier qui est surpris à parler avec un autre, à chanter ou à siffler, payera une amende de 6 pence. Quiconque quitte son poste durant le travail payera aussi 6 pence. Il arrive très souvent que des femmes qui travaillaient encore la veille au soir accouchent le lendemain matin. Et même, il n'est pas très rare qu'elles accouchent à l'usine, au milieu des machines. Le sacrifice qui de toutes parts est tendu avec des fils, qui s'étire sur 100 et un acte divin, ces pères qui sont venus ici le tissent. Assis sur le métier tendu, tisse en avant, tisse en arrière, disent-ils. C'est un mâle qui tend, qui tire le fil, un mâle qui l'a tendu au firmament. Voici les chevilles, ils ont pris place sur le siège, les navettes à tisser, ils en ont fait des mélodies. L'Amérique. Vers 1619, les premières plantations de coton sont établies en Amérique, dans la Virginie. On importe les semences des îles sous le vent, du Brésil et du Mexique. On importe des esclaves nègres des rivages de la mer des Caraïbes ou directement d'Afrique. Les derniers rayons du soleil couchant tremblent sur la vaste étendue du Mississippi, large comme une mer, les cannes frémissantes, les grands cyprès noirs auxquels la mousse sombre suspend ses guirlandes d'œil étincellent dans la lumière dorée. Le steamer, pesamment chargé, continue sa marche. Les balles de coton s'entassent en pile sur ses flancs, sur le pont, partout. On dirait une gigantesque masse grise. Il nous faut un examen attentif pour découvrir notre humble ami Tom. Nous l'apercevons enfin à l'avant du navire, blotti entre les balles de coton. Quand il voyait qu'il n'y avait plus rien à faire pour lui, il se retirait entre les balles de coton dans quelques recoins de l'avant et se mettait à étudier la Bible. Pick up traps and come along. We will pump it long and strong until our barrel's to the top. Hurry up, don't stop. They say all round where you may go, just give a tap and oil will flow. Up from the summit, baby, on the underground. D'un jour à l'autre, presque, après 3000 ans de somnolence, le coton devient roi. Les vieilles cultures de tabac, de riz et d'indigo sont totalement remplacées, supplantées par le coton. Avant l'invention de Whitney, seul un faible pourcentage des Blancs du Sud avait possédé des esclaves. Maintenant, le coton ouvre des perspectives de richesses nouvelles. Tout le monde dans le Sud se tourne vers le coton. Le juriste, le médecin, le maître d'école, aussitôt qu'ils ont amassé un peu d'argent, achètent de la terre et des esclaves noirs et se font planteurs. Tom, ce jour-là, travaillait à côté de la mulâtresse achetée avec lui. On voyait qu'elle souffrait beaucoup. Elle tremblait et semblait à chaque instant prête à défaillir. Il s'approcha d'elle sans dire une parole et tirant de son propre sac quelques poignées de coton, il les fit passer dans le sac de la pauvre femme. « Non, non, ne faites pas cela, disait la femme. Cela vous attirera quelques désagréments. » Au même moment, Sambo arrivait. Il détestait cette femme. Il brandit son fouet et d'une voix rauque. « Eh bien, Lucie, je vous y prends. Vous fraudez. » Et lui donna un coup de pied. Il avait de gros souliers de cuir. L'Américain républicain est libre. Vend, achète, revend et marchande et brocante des vieillards, des femmes, des vierges et des enfants. Il punit de prison qui apprend à lire aux petits nègres. Il tire au beau milieu d'une ville dite libre des coups de fusil aux nègres fugitifs. Il dresse des chiens à chasser aux hommes. Il trouve cela tout simple. Il est marchand d'esclaves et citoyen. Il est démocrate et négrier. Il a les droits de l'homme entre ses côtes droites et le code noir entre ses côtes gauches. Cela ne le gêne en rien. Il fume sa pipe là-dessus. Victor Hugo. Les cotonniers qui, jusque-là, n'ont enregistré que des succès, vont encaisser le premier coup dur. La guerre de sécession éclate aux États-Unis. Elle allait provoquer ce que l'on a appelé la cotton famine, la disette de coton. Brusquement, les Anglais furent coupés de leurs sources d'approvisionnement. C'était en effet les États du Sud qui produisaient le coton. Les nordistes, maîtres de la mer, bloquèrent les ports, et si un navire parvenait à s'échapper d'un port sudiste, il était immédiatement arraisonné. Les chargements qui parvenaient à atteindre Liverpool se firent de plus en plus rares. L'industrie cotonnière paraissait condamnée à mort. Elle n'avait plus de matières premières. C'est la ruine. 250 000 ouvriers du Lancashire sont en chômage. 165 000 autres ne travaillent que 4 heures par jour. Faim, révolte. Des dizaines de firmes qui sautent. D'autres perdent en un an ce qu'elles ont mis un demi-siècle à gagner. Et pendant que les ouvriers de l'Europe meurent de faim à cause du manque de coton, les gens dans les états cotonniers de l'Amérique, meurent de faim parce qu'ils ne peuvent pas vendre leurs récoltes. 6 millions de balles de coton s'accumulent pendant la première année de la guerre de sécession. Mais il n'y a pas moyen de les envoyer en France ou en Angleterre. Par centaines de millions, on les brûle. Partout dans le sud, on détruit le coton pour ne pas le laisser tomber dans les mains des troupes du Nord. Le Lancashire donne beaucoup d'argent aux généraux des États du Sud. Londres avance des sommes de plus en plus importantes sur le coton américain, aide les esclavagistes contre le Nord. Mais l'or anglais n'est pas suffisant. De 1861 à 1868, 338 fabriques disparurent. Le nombre des métiers fut réduit de 20 663. Cependant, la production augmenta à cause des progrès techniques. Vers la fin de 1862, les troubles en Europe, la misère dans les districts cotonniers, les pertes en bourse sont devenues catastrophiques. On a troublé le roi coton. Il se venge terriblement. Il ruine non seulement les États du Sud, mais l'Angleterre et la France avec. On s'aperçoit bien que l'or blanc règne sur le monde entier. Engels. Quelqu'un commença tout bas, un autre suivit. Et tout d'un coup, cette chanson inventée par je ne sais qui, venant de je ne sais où, monta vers le ciel glabre, chaud, comme du plomb fendu. Le roi, le millionnaire, le président porte notre offrande. Et nous, les gueux, les vagabonds, nous restons nus. Allons aux champs, cueillons l'or blanc, crevant de faim pour eux. Des haricots, du poivre rouge dedans au lieu de viande, une chemise, le cotonnier l'a arraché. L'or blanc, pour eux, pour nous, la faim. Allons aux champs, cueillant les fleurs. Vite, vite, l'homme jaune nous guette. Vite, vite, le sac aux hanches, coton dedans, balance qui grince. Pour lui, l'or blanc, pour nous. Mais un jour proche, le roi crevé, le millionnaire chassé, l'or blanc poussera pour nous. Je comprends bien, monsieur Boussac, les satisfactions que vous donne votre métier d'éleveur de pur sang et de propriétaire de chevaux de course. Mais ce métier, quelles en sont les difficultés? Est-il, à votre avis, plus facile ou plus difficile que celui qui consiste à gérer des entreprises ou à diriger des usines? Pour moi, mademoiselle, le métier d'éleveur et de propriétaire de chevaux de course est le plus difficile que je connaisse. Dans une usine, il est déjà très difficile d'obtenir la perfection. Pourtant, tous les facteurs du succès sont entre vos mains. Dans l'industrie, tout dépend de la volonté, de la ténacité, de la puissance de travail, de son organisation. On peut tout calculer. Le rendement de l'effort humain, la vitesse des machines, même les températures à régler l'hiver comme l'été, on peut en un mot tout prévoir. Dans l'élevage et les courses, cette rigueur de méthode est naturellement nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il s'y ajoute des impondérables qui défient les tables de calcul et les équations. Et pourtant, en quelques années, notre élevage a su opérer son redressement. Je n'en avais d'ailleurs jamais douté, pas plus que je ne doute du redressement de la France dans tous les domaines, comme elle l'a toujours fait au cours de son histoire. Boussac, il y a eu des problèmes, certaines grèves, mais autrement, en général, bon, les travailleurs étaient emboussaqués, c'était le bon père Boussac avec les œuvres sociales, les crèches, les colonies de vacances, les maisons de retraite, les colis à Noël, des très bas salaires, mais un tas de choses comme ça, des logements bon marché, les gens attachés à l'usine. Un délégué CFDT. Boussac, c'était, il était vénéré, quoi. Et est-ce que vous retrouvez les mêmes méthodes patronales chez la, disons, la nouvelle génération de patrons du textile? Les autres, ou les vieux, ou dans... Oui, dans les nouveaux. Les nouveaux, les vieux, ah non. Les vieux, c'est pas ça. Depuis qu'ils sont venus, c'est plus du tout ça. Les vieux, ils annoncent la couleur, ils disent, nous, on est là pour gagner de l'argent, c'est notre métier. C'est plus du tout la même chose. Et par rapport aux œuvres sociales, bon, ben, ils ont fait un programme, ils ne veulent pas supprimer d'un jour à l'autre. Cette année, ils financent encore à 100%, l'année prochaine à 66%, l'année suivante à 33%, et après plus rien. Sauf ce que la loi donne par rapport au comité d'entreprise. Donc, Viot, c'est plus du tout Boussac. Et bien sûr, Viot se lance vers le commerce et va restreindre, il l'a dit, il veut restreindre sa production industrielle. Il fera ce qui l'intéressera. Il veut faire se reconvertir dans le meuble, il veut fabriquer ce qu'il vend dans ses grandes surfaces, dans ses conforamas, etc. Et puis, mais il a repris Boussac parce qu'il pensait faire une bonne affaire. Et c'est ça le problème, c'est bouché, on sent que c'est bouché, on ne voit pas d'issue, on ne voit pas comment on va trouver du travail dans la région s'il n'y a pas d'implantation. Alors on nous a promis dans le plan Vosges, quand on nous a annoncé les licenciements chez Boussac, bon, tout de suite on nous a annoncé un plan Vosges de création d'activités. Alors ça veut dire sur Épinal ici Voco. Voco qui va fabriquer des pièces en caoutchouc, c'est une entreprise allemande qui va se réinstaller dans les locaux d'une usine, d'une ancienne filature, là, filature tissage. Et bon, on nous dit qu'on a priorité d'embauche. Mais les personnes qui sont des gens, c'est déjà que c'est des salaires très bas, des emplois déqualifiés. Il y a Garrett, alors c'est une firme américaine. On attend, bon, on dit qu'on a priorité. Et une chocolaterie sur Golbey, là, sur Épinal. Maintenant, bon, ben, on ne rentre plus dans le textile puisqu'on en sort. On n'embauche plus dans le textile. Alors nous, on a tiré la sonnette d'alarme, on la tire encore, c'est le même problème que la sidérurgie, etc. On dit attention, on va ruiner notre industrie, mais le capitalisme international conserve le coton, mais il veut le travailler plus, dans des endroits plus proches des lieux de production et avec une main-d'œuvre meilleur marché. 46,90. Tous les tissus que nous avons ici, vous voyez, on les a, ils viennent de France. Il y a à Roubaix, et à Lyon, c'est de la soie. Roubaix, il y a beaucoup de cotonnades et tout. Sedan, vous voyez, il y a beaucoup des usines qui se trouvent en province. Et que, alors, c'est ici. Et c'est rare qu'ils apportent, par exemple, Made in Japan ou Made. Vous voyez, l'étranger, c'est très, très, très peu. Ah oui, vous vendez surtout des cotons français. Ah, le plus ici, 80%, c'est français. Mais il y a des combines, ce qu'on appelle ça. Beaucoup d'industriels français se sont plaints des importations abusives de textiles et on a même entendu parler de fraudes à la fausse origine. Premièrement, il est très difficile de la mesurer. Et je prendrai une analogie, c'est la fraude fiscale. Tout le monde parle de la fraude fiscale en France, personne n'est capable de donner un chiffre, seulement des estimations. Dans le domaine de la fraude sur l'origine, c'est un peu la même chose. On peut évidemment donner des exemples. Un tissu qui vient de Hong Kong rentre en Allemagne. Et l'importateur allemand ou l'importateur belge, l'importateur français, il doit y en avoir. Au lieu de garder l'étiquette ou de dire que cette marchandise vient de Hong Kong et qu'il y a des quotas à l'entrée dans un de ces pays pour le produit en provenance de Hong Kong et donc il aurait des difficultés à en importer des quantités importantes, eh bien se dit, au lieu de dire qu'il vient de Hong Kong, je vais faire déclarer qu'il vient de l'Italie. Alors là, deux choses, ou bien le douanier, au moment du dédouanement de la marchandise, est un douanier très scrupuleux, se dit, mais dans le fond, il subodore la fraude, éventre le paquet de tissus, et s'aperçoit à ce moment-là que c'est pas possible qu'un tissu de cette nature vienne d'Italie ou de France, il vient certainement d'un autre pays. Bon, ou bien, le douanier fait confiance à la déclaration d'origine accompagnant les documents de dédouanement, et l'article revient en France en étant intitulé « Made in Italy » ou « Made in Germany » alors qu'il vient de Hong Kong. Vous vous rendez compte qu'il y a environ 18 milliards ou une vingtaine de milliards de francs d'importations en France de textiles et d'habillements chaque année. les contrôles sont effectivement par sondage. Comme pour la fraude fiscale, on fait quelques exemples. Mais il est impossible de tout contrôler. Et bien sûr, il y a des fuites dans tous les systèmes de contrôle et de surveillance des importations. Mais celui-ci est un exemple parmi d'autres. La robe de chambre. Là, c'est 90, celle-là. Oui, alors, deux hauteurs. Une robe de chambre, il faut deux hauteurs, une hauteur. C'est par une image insolite à l'Assemblée nationale que nous allons commencer. Un député qui brandit sous le nez de ses collègues des dessous féminins, un slip et un soutien-gorge, pour être précis. Rien de coquin dans cette manifestation. Il s'agissait de défendre une industrie menacée par des importations sauvages. Suzanne Gauthier nous en dit un peu plus. Le député était Jacques Limousy, rapporteur du texte tendant à créer une commission d'enquête parlementaire sur les importations sauvages de diverses catégories de marchandises. Pour un ensemble, slip et soutien-gorge, venant de la Corée du Sud, il en coûte 5 francs aux Françaises. Par contre, il faut multiplier au moins par 3 le prix de ces sous-vêtements s'ils sont fabriqués en France. À l'appui de sa demande, l'ancien ministre a déclaré: tous les pays défendent leur emploi. Cette défense est encore possible au sein des marchés communs et d'une liberté loyale des échanges. Mais nous le compromettrons sans appel si nous en faisons l'espace libertaire d'une sorte de combine internationale. Et bien entendu, à l'unanimité, l'Assemblée nationale a décidé la création de la commission d'enquête. Vous savez peut-être qu'il existe au plan international un accord international qui s'appelle l'accord multifibre et qui est destiné à ordonner, depuis 1973, les échanges textiles mondiaux. Et participe à cet accord non seulement la communauté économique européenne et donc la France, mais également les États-Unis, le Japon et une trentaine de pays dits en voie de développement. Il y a donc eu contractuellement, depuis 1973, parce que les pays industrialisés et le GATT, qui est l'organisme de contrôle du commerce mondial, se sont aperçus qu'il y avait une spécificité dans les échanges textiles. Et qu'en raison des conditions de production très différentes qui existaient dans le monde pour faire du textile, il était nécessaire de réguler en quelque sorte les échanges textiles mondiaux. Quels sont les déboires de l'accord multifibre du GATT? L'accord multifibre a été conclu surtout pour assurer des débouchés croissants aux pays du tiers-monde qui fabriquent des textiles, pas seulement en coton, mais des synthétiques. C'est le successeur d'une série d'accords sur les produits de coton qui remontent, je crois, aux années 60. Et malheureusement, il est survenu justement au temps de la crise du pétrole et de la crise économique. Donc, les pays importateurs, c'est-à-dire les pays développés, se servent des clauses d'exception pour enrayer un peu les importations de textiles, puisqu'ils ont déjà beaucoup de chômeurs et une crise causée par le déplacement de leurs industries. Et je crois qu'ils veulent freiner un peu ce déplacement pour chercher de ne pas accentuer le chômage dans les zones où il y a beaucoup de textiles. Je ne sais pas si on peut l'appeler un déboire, parce que c'est une espèce de compromis entre les pays qui veulent sauvegarder ce qu'ils ont et les pays qui veulent gagner quelque chose. Les fibres chimiques, d'origine artificielle ou synthétique, ont toutes été trouvées en quelque sorte entre la fin du 19e siècle au niveau des laboratoires et sont surtout entrées sur le marché juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a eu deux phases. Fin 19e siècle, début 20e siècle, on a trouvé les chercheurs, les laboratoires. Entre le début du 20e siècle et disons l'avant-guerre, l'avant-deuxième guerre mondiale, on a fait la recherche-développement. Et puis il y a eu une explosion de l'utilisation, d'abord de la production et de l'utilisation des fibres chimiques à partir de la deuxième guerre mondiale. Pour vous donner un chiffre, je crois, qui est parlant, si l'on regarde un peu quelle a été l'évolution de la consommation des trois principales fibres textiles dans le monde, le coton, la laine et les fibres chimiques, leur pourcentage. En 1948, le coton représentait 74% de la consommation de matières premières textiles. La laine, 13%, les fibres chimiques, 13%. En 1960, de 74, le pourcentage du coton passe à 68, et en 1974, il passe à 50. Pour la laine, le pourcentage passe de 13% en 1948, 6% en 1974. Et pour les fibres chimiques, le pourcentage passe de 13% en 1948 à 44% en 1974. Dites-vous, regarde une nappe. C'est quelle matière ? Acrylique. Acrylique ? Oui. Pourquoi vous avez acheté plutôt de l'acrylique ? Parce qu'il était moins cher que le coton, il se froissait moins. Ah oui, le coton est plus cher. Le coton était plus cher, oui. Oui. L'acrylique coûte 12,95 et l'acrylique coûtait 29 francs. Ah oui, le coton coûtait 29 francs. Oui, et il se froissait. Oui. Vous me donnez un sac qui va faire. Ah oui, un peu plus petit. Mais oui. Oh, ça va pas rentrer dedans, madame. Mais si. Alors, il y a eu manifestement entre fibres textiles une sorte de rivalité permanente que nous constatons entre fibres synthétiques, par exemple, et fibres cotonnières. Ce que l'on voit au départ, c'est par exemple le très grand engouement des années 60-70 sur le Tergal, enfin, je ne voudrais pas citer de marque ici, mais enfin, disons, sur les fibres synthétiques. Et à l'époque, on a pensé qu'il y aurait un emballement beaucoup plus important que ce que nous avons pu constater par la suite. Alors, il y a là, justement, des effets, je dirais, contradictoires, des tendances... qui soumettent la consommatrice à des décisions d'achat qui peuvent être différentes. Tout ça fait qu'il y a une sorte de rivalité permanente entre fibres de coton, fibres synthétiques. D'ailleurs, il faut dire qu'en ce qui concerne notre industrie, il y a même un mélange qui se fait entre fibres. On fait un mélange 100% coton, 80% coton, 20% polyester. Et puis, on s'amuse même à mélanger les fibres artificielles et synthétiques. On fait aussi des mélanges polyester-viscose. Tous ces mélanges ayant pour objet de satisfaire la mode et de donner une meilleure qualité aux vêtements ou au linge de maison. Et puis alors, il y a eu la fameuse mode écologique qui, je pense, a servi l'industrie cotonnière. Il y a 2 ans ou il y a 3 ans, on a vu un renouveau vers le 100% coton, vers l'article type artisanal. Est-ce que notre monde moderne pourrait se passer actuellement du coton, et je ne pense pas uniquement à l'habillement, mais à tous les dérivés du coton? Je ne pense pas. Je vois mal, si vous voulez, le monde actuel se passer complètement de la fibre naturelle du coton. Pour des raisons de confort, d'hygiène, de sentiment du naturel, c'est presque, je dirais, quelque chose d'indéfinissable. C'était l'épopée des matières premières, le coton. Une émission de Michel Pierre, Daniel Wolfram, Olivia Zemmour. Groupe de réalisation, Janine Antoine, Michel Cohen, Michel Créis. Avec Juliette Berthaud, Manuel Gomez, Stéphane Meldeg, Jean-Pierre Sentier. Texte. Antoine Zischka, Le coton. Friedrich Engels, Situation des classes laborieuses en Angleterre. Bitchestow, La case de l'oncle Tom. André Marshall, L'or blanc. Hymne du Rig Veda. Archives de l'INA, recueillies par Suzanne Legrand. Communauté radiophonique des programmes de langue française. Cette émission a été diffusée la première fois le 21 août 1980 sur France Culture. À suivre, vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.